La délégation des experts du ministère coréen des Affaires étrangères, conduite par Oh Sung-ho, chef du département d'Europe 1, a visité Moscou le 5 juin sur l'invitation du ministère russe des Affaires étrangères. La délégation a eu une négociation avec Andrei Borisovitch Kulik, chef du département d'Asie 1 du ministère russe des Affaires étrangères. On a échangé les points de vue sur la tension dans la péninsule coréenne et discuté sérieusement des problèmes pour développer de façon stable les relations bilatérales conformément à l'esprit des accords et des documents communs de la conférence au sommet de deux pays. Encore, a été conclu le programme d'échange 2017-2018 entre les deux ministères. L'ambassadeur coréen en Russie, Kim Hyun-jun, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Igori Moriglov, ont signé le document. Les deux parties ont décidé de favoriser des visites et contacts et d'intensifier la collaboration selon le programme pour le développement actif de l'ensemble des relations bilatérales.